Dossier 5, temps fort. Leçon 2, grande nouvelle. Activité 2 et 3. Allô? Salut Yann. C'est qui? Stéphanie? Oui. Je viens de voir ton mur sur MyBook. Tu vas quitter Grenoble? C'est quoi cette histoire? Bah oui, je vais faire le tour du monde. Le tour du monde? Mais avec quel argent? Bah, je viens de recevoir un petit héritage de ma grand-mère. Alors je vais réaliser mon rêve, voyager. Alors ça, c'est une surprise. Et tu pars quand? Bientôt, mais on va faire une fête pour mon départ, c'est sûr.